Léonide. L'hiver était fini pour les habitants des plaines, et les blés, déjà drus, tentaient pour le nid futur les perdrix en amour. Mais la neige couvrait encore les montagnes. Elle mollissait l'après-midi dans la haute région du Bugey où vivait à présent l'ancienne tourière de l'école de Lyon. Puis la nuit tombait, le vent coulait par-dessus le col des Traînes, et la terre gelait de nouveau sous son tapis blanc en maint endroit piétiné et troué. Le village, exposé au sud-ouest, était bâti sur une pente rapide, au-dessous d'une forêt de sapins que les paysans pillaient, dont la foudre étêtait les arbres et qu'achevait de ruiner les torrents. Mais la forêt ne touchait le village que de sa pointe inférieure, et partout ailleurs, c'étaient des prés ravinés et rocheux, des éboulis minés par l'eau, qui dans leurs plis déserts enveloppaient les maisons. Tout en bas, dans la vallée, des champs formaient le creux, tout entourés de clôtures d'épines, pareil de loin à des dominos bordés de gris. Et la distance était si grande, de cette campagne des semailles jusqu'aux cimes, que le cri des toucheurs de bœufs, en arrivant là-haut, y troublait moins le silence que le vol d'une sauterelle. Là, dans une école libre nouvellement construite, Léonide était venue s'installer comme adjointe dès le mois de juillet précédent. Une dame riche, qui avait donné le terrain pour l'école et qui supportait à elle seule la moitié des frais d'entretien, dont les habitants de la montagne payaient le reste, avait fait venir de Lyon à Bourg-en-Bresse la cuisinière tourière et après avoir causé un quart d'heure avec elle, « Ma petite sœur, vous me plaisez. »« Tant mieux, madame. Je vous engage. »« Ah, si vous aviez connu ma sœur Pascale, c'est elle que vous auriez engagée. »« Ou ma sœur Edwige, ou... »« Non, non, c'est vous, je n'ai pas de regrets. »« Vous logerez dans une chambre nord, par exemple. »« Ça m'est égal. »« Les gens du pays ne sont pas dévots. »« Tout Lyon non plus. » « Je ne vous vois qu'un défaut, ma petite sœur. »« Vous comptez mal, madame. »« C'est que vous n'avez plus de dents, et ce n'est pas joli. » Léonide s'était mise à rire de bon cœur. « Je vais en acheter, madame. Dans 15 jours, j'en aurai 32. » Elle s'était fait faire un dentier, en effet, avant de quitter Bourg-en-Bresse, et elle était montée au village, non pas plus jolie assurément, mais plus jeune qu'elle n'était à Lyon. « Vous ne me reconnaîtriez pas, » écrivait-elle à madame Justine, « si vous me rencontriez dans les lacets de la route, avec mes galoches, ma belle jupe neuve, mon chapeau de paille et toutes mes dents. Mais comme je ne pourrais pas m'empêcher de vous sauter au cou, alors vous me reconnaîtriez. » L'ardente petite institutrice était bien loin du quartier des ouvriers de Saint-Pontic. Elle courait, parlait, catéchisait bravement, comme autrefois, mais sans réussir de même. Tout l'été, tout l'automne, tout l'hiver, dans la neige ou dans la boue, aux heures libres et aux jours de congé, elle avait monté et descendu les sentiers pour rendre visite aux parents et aux autres. Les autres étaient hostiles, les parents n'avaient pas la bonhomie gouailleuse, ni la promptitude d'émotion des faubouriens qu'elle avait connus et aimés. C'était une population travaillée par l'envie, mise en défiance contre le dévouement même à cause de toutes les contrefaçons qu'elles envoyaient, intelligente et d'esprit vif pour acheter ou vendre, mais comme fermée à tout l'éternel. On eût dit que la partie la meilleure ne se composait que d'indifférence remuée et de très anciennes fois chancelantes. « Comme ils ont dû être abandonnés par leur curé dans les temps anciens, » pensait Léonide. « C'est à peine s'ils regardent en l'air avant de mourir. Je ne suis pas toujours bien reçu, mais ils ne me résisteront pas indéfiniment. Je prendrai le grand moyen avec eux. Je veux les aimer, je les aime. » Elle avait tant couru, et par des temps si durs, qu'au commencement du mois de mars, elle était tombée gravement malade, atteinte aux deux poumons par une fluxion de poitrine. Sa robuste constitution avait résisté. Madame Léonide, très pâle, immobile, était assise dans un fauteuil de paille, enveloppée de laine noire, les pieds posés sur une chaufferette, près de la cheminée de la grande chambre du premier, au-dessus de la classe. Les enfants étaient partis. Le soir mettait sa cendre grise sur les quatre murs blancs. Il n'y avait que les rideaux de crétonne rouge du lit qui fussent tout à fait sombres. On entendait le sabotement d'un homme sur la place, et dans la chambre, le tic-tac enfiévré d'un réveil qui servait d'horloge à la maison. Une femme monta l'escalier et entra. « Bonjour Léonide, comment êtes-vous ce soir ?» Du milieu des châles et des capelines qui l'enveloppaient, la malade répondit « De mieux en mieux. » La voix était faible, mais les yeux brillaient, vifs dans le crépuscule. Léonide, avec la joie reconnaissante des enfermés qui reçoivent une visite, regardait la directrice de l'école, une jeune fille élégante et mince, au long visage d'un rose égal, aux yeux myopes et bridés par l'effort, et qui arrivait, les mains enfoncées dans les poches d'un tablier bleu à bretelles, et s'asseyait de l'autre côté de la cheminée. « Les petites ont encore demandé de vos nouvelles, » reprit la directrice. « Vous voyez qu'elles ne vous oublient pas. Moi, je venais voir si vous voulez vous recoucher. Voulez-vous que je vous aide ?»« Non, merci. Laissez-moi dans le noir, comme à présent, encore une heure. C'est que le froid est vif, dehors. »« Le dedans, c'est tout, voyez-vous, » répondit Léonide en écartant ses châles et en sortant le menton. « Je me sens revivre. Savez-vous ce que je pensais ici pendant que j'étais seul ? Je pensais d'abord que j'avais bien failli m'en aller chez nous. » Voyant l'étonnement de sa compagne, elle eut un sourire lent à se développer comme un long geste, et elle leva le doigt vers le toit. « Je veux dire là-haut, » reprit-elle, « mais le danger est passé, c'est remis à une autre fois. Je pensais aussi à la vie que j'ai menée pendant 10 ans au milieu de mes sœurs. Je vous ennuie en vous parlant de ça ? Mais non, dit mollement la jeune fille. Et elle tendit ses mains longues et noueuses vers le feu avec le soupir des patiences déjà lasses. Je vous garantis que je ne perdais pas mon temps. Vous me reprochiez de me donner trop de mal ici, mais là-bas aussi, j'étais toujours sur pied. Porterie, balayage, cuisine, laverie. J'étais chargé de beaucoup de travail, bonne à tout faire dans une communauté. Mais comprenez-moi bien, elles me traitaient quand même comme leur sœur. Oui, c'est une amitié meilleure que celle du monde. Autre, en tout cas. Vous avez raison. Plus triste. Comment triste ? Mais nous étions toutes de belle humeur, je le suis encore. Triste, ma sœur Justine, ma sœur Edwige, ma sœur Pascal, vous pensez sérieusement ce que vous dites ? Mais oui, je ne comprends pas qu'on puisse vivre heureuse dans un endroit dont on ne peut pas sortir à toute heure quand il vous plaît. Un rire de tout l'être, un rire populaire auquel manquait seulement l'ampleur de la vie, étonna la directrice et toutes les choses qui l'entouraient. « Êtes-vous heureuse ici, vous, mademoiselle ? » demanda Madame Léonide. « Mais oui, moyennement. Et pourtant, vous ne pouvez pas sortir du village, avec votre peur de la neige, votre classe à faire et moi malade. » Un silence long, comme la distance qui séparait les deux esprits, suivit cette plaisanterie. Puis la directrice se leva, remit les mains dans les poches de son tablier bleu à pois blancs et dit « Je vais faire mon dîner et le vôtre. Dans une demi-heure, je viendrai vous aider à vous coucher. » Léonide resta seule. Malgré l'épaisseur de ses châles, elle eut l'impression que le froid du dehors, qui saisissait la terre, les arbres, les herbes, traversait le toit et les murs et se glissait en elle. Elle appuya ses épaules et sa tête contre le dossier du fauteuil, et dans l'épuisement de ses forces physiques, avec la netteté d'un esprit presque dégagé de son corps, elle mesura la profondeur de sa solitude pendant la période de début, au soir des courses dans la montagne, des visites aux hameaux et aux granges. Elle s'endormait de lassitude, sans voir du lendemain autre chose que la tâche qui restait à faire. En ce moment, elle jugeait l'inutilité, apparente du moins, de son effort. Dans ces maisons invisibles pour elle, muette dans le noir et dans le froid qui rôdait de compagnie, avait-elle une amie ? Une seule personne qui comprit pourquoi elle était venue, pourquoi elle resterait là, pourquoi elle ne songerait ni à changer, ni à se marier, ni à se plaindre ? Non, pas même cette honnête jeune fille qui dirigeait l'école, et qui avait surtout besoin de gagner, et le désir d'échapper, par le mariage ou l'avancement, aux rigueurs d'un internement à 800 mètres d'altitude. Toutes les portes étaient closes, tous les cœurs fermés. Le réveil matin battait la charge des secondes qui se précipitaient, vides dans l'éternité. Par l'unique fenêtre, en face, sans y attacher sa pensée, mais recevant quand même l'influence de leur image, la malade apercevait des cimes de sapins étagés et pressés sur lesquels roulaient en se déchirant les volutes de brume montant de la vallée. Cependant rien ne se troublait en elle, immobile, paisible, les yeux fixés sur ce carré de la fenêtre où la terre ne tenait qu'une petite place d'angle, les lèvres essayant de sourire, elle répétait « J'accepte l'insuccès, l'abandon, la maladie, tant que vous voudrez, pour le salut de mes sœurs, et surtout de la petite. » Elle avait appris vaguement que sœur Justine avait des inquiétudes au sujet de Pascal. On ne lui avait rien raconté. À quoi bon ? Elle n'avait jamais été du conseil de la communauté. Et qu'aurait-elle pu faire ? Mais dans les lettres, courtes et vives, de Madame Justine, elle avait deviné une tristesse. Et c'est pourquoi, à cette heure désenchantée et déserte, n'ayant de force que pour une seule pensée, elle disait, dans la paix, en accueillant l'épreuve, j'accepte l'insuccès, tant que voudrez, pour le salut de mes sœurs et surtout de la petite. » La nuit formidable enveloppait la montagne. La forêt, le village, et dans une maison qu'un sapin eut couverte de son ombre, il y avait un être chétif qui traitait avec Dieu pour le rachat d'une âme en détresse.